commence à voir. Je crie, commence à voir. Parce que je commence à voir la vie comme un sans-voix et la bille comme un sans-voile. Parfois la vie est dure, parfois il n'y a que le mal qu'on endure. Parfois on est content quand on devrait pleurer. Parfois on laisse tomber quand on devrait serrer. Il arrive qu'on espère sans savoir pourquoi. Il arrive qu'on attende sans savoir qui. Il arrive parfois que nous prions sans foi pour nourrir nos sang-froids quand nos cœurs font si froid. Commence à voir, je crie, commence à voir, parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Commence à voir, je crie, commence à voir, parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Parfois on accepte à contre-cœur, parfois on refuse parce qu'on a peur. Parfois on aime parce qu'on en a le devoir. Parfois on déteste parce qu'on en a le pouvoir. Le monde est si méchant et son parcours est si gênant. Vivons de notre mieux et au malheur disons non. Commence à voir, je crie, commence à voir. Parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Commence à voir, je crie, commence à voir, parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Parfois on suit les autres pour de l'argent, mais souvent quand on en a, on méprise bien des gens. Parfois on est intelligent, mais on ne fournit aucun effort. Parfois quand on est faible, on veut paraître plus fort. Qui a raison et qui a tort? Entre un fatigué qui travaille et un fatigué qui s'endort. Parfois on est à bout de force mais on veut insister. Parfois on est trop frais mais on ne veut pas persister. Comment savoir quand il faut faire quoi? Comment savoir quand, où et pourquoi? Alors, rien à signaler à part que le temps passe. Longe ta route calmement, travaille sans cesse. Sois-en sûr, c'est tout ce qui nous reste. Commence à voir, je crie, commence à voir. Parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Commence à voir, je crie, commence à voir. Parce que je commence à voir la vie comme un sang-froid et la vie comme un sang-voile. Jackson.